observé depuis quelques années maintenant que le net n'était pas valeur cotée en bourse. Et pourtant à l'école on me rabâchait tout le temps qu'il fallait être droit pour rester dans la course. Tant bien que mal j'ai tenté de mettre ça en pratique du mieux que je pouvais, en me disant qu'un jour j'aurais droit moi aussi d'être un riche troubadour. Mais je dois reconnaître qu'à chaque fois il y a un hic. Alors j'ai observé un peu plus en détail ceux qui réussissaient ou étaient reconnus, et j'ai vu que les gagnants de toutes les batailles avaient tous l'aptitude à faire des coups tordus, à commencer entre autres par tous nos gouvernants qui avaient développé le culte du mensonge et qui arrivaient malgré leurs propos aliénants à toujours s'en sortir d'un simple coup d'éponge. Et puis tant pis, si demain on m'embarque, ce sera juste parce que j'ai dit la vérité. De toute façon, il y a un trou dans la barque, le bateau coule et je préfère m'en éloigner. Les grands patrons, les pontes, les faiseurs de misère arrivent toujours à point pour engranger des thunes, même si leur entreprise met un genou à terre. C'est juste pour éviter les retours de fortune. Ils trouvent toujours une ruse pour justifier leurs gains, comme si c'était eux qui faisaient tourner l'usine, à croire que les ouvriers ne leur ont servi à rien, qu'ils sont responsables si on les assassine. Et puis tant pis, si demain on m'embarque, ce sera juste parce que j'ai dit la vérité. De toute façon, il y a un trou dans la barque, le bateau coule et je préfère m'en éloigner. Aussi constaté qu'on allait jusqu'à pondre des lois pour protéger les enfoirés notoires, et qu'on nous faisait croire que s'il y avait des jours sombres, ce n'était pas de leur faute qu'ils pouvaient pas prévoir. On nous parle de droit, de respect, de justice, tout en se préparant des retraites dorées, alors que nous en bas, on nous demande de casquer. Plus leur salaire augmente, plus les nôtres rapetissent. Et puis tant pis, si demain on m'embarque, ce sera juste parce que j'ai dit la vérité. De toute façon, y a un trou dans la barque, le bateau coule et je préfère m'en éloigner. Et j'ai tout compris, franchement j'étais naïf. Tout ce qu'on m'a appris, c'était pour que je la ferme, pour que j'entre dans le moule, que je reste inoffensif comme un bon petit soldat, pour que je dise amen. C'est bon là j'ai ma dose, promis demain j'arrête, je rentre en politique histoire de gagner plus, de me faire bien voir en devenant malhonnête. Vu qu'il n'y a que ça qui paye, c'est mieux que s'appeler Crésus. Et puis tant pis, si demain on m'embarque, ce sera juste parce que j'ai dit la vérité. De toute façon, y a un trou dans la barque. Le bateau coule et je préfère m'en éloigner. Et puis tant pis, si demain on nous embarque, ce sera juste parce qu'on a dit la vérité. De toute façon, elle est pourrie leur barque. Leur bateau coule et il vaut mieux s'en éloigner. Leur bateau coule et il vaut mieux s'en éloigner.